ce blé. Le blé, les blés, ces blés d'or et d'argent qui naissent en sillon comme rideuses au fond des amours en semaille. Ce blé, le blé, les blés, ces blés d'or et d'argent n'érgaillis du printemps en larmes végétales des douleurs campagnardes. Ce blé, le blé, les blés, ces blés d'or et d'argent qui sont les fils du temps dans les cheveux mourants des tempes paysannes. Ce blé, le blé, les blés, ces blés d'or et d'argent qui de bottes en lingots, de silos en silos, cathédrales nos champs. Ce blé, le blé, les blés, ces blés d'or et d'argent qui sont paille à l'étable, qui sont peints sur la table et sont la sœur des champs. Ce blé, le blé, le blé, ce blé pourri des villes dont un argot stupide a usurpé le nom et baptisé le fric. Ce fric, le fric, le fric, ce fric, ce papier fric qui voyou que les filles déshonorent les riches, défient l'arithmétique. Ce fric, le fric, le fric, ce fric, ce papier fric sinistre apoplexique qui fait de nous des chiffres entre nos murs de briques. Ce fric, le fric, le fric, ce fric, ce papier fric, ce fric bourré de tic du fond de la Francisque au-delà d'Amérique. Ce fric, le fric, le fric, ce fric, ce papier fric, ce fric, ce mot tragique qui défait la pratique de la beauté publique. Ces blés d'or et d'argent qui sont du sud au nord, le paradis perdu, le sursis sur la mort. Ce blé, le blé, les blés, ces blés d'or et d'argent qui furent à Pébille, le firmament vécu et le lit où l'on dort. Ce blé, le blé, les blés, ces blés d'or chanson, ami, entends-tu la chanson des blés d'or?